Bonjour et merci pour votre fidélité. Il est 7h15 dans les studios de la RCF. Bonne FM maintenant depuis Bujumbura, 5h15, temps universel, le journal en français. Vous recevez Willy Sindayeou, la présentation, la mise en onde est assurée par Jimmy Blaise et Nizongiza. D'abord, le sommaire de ce journal. L'athlète burundaise Francine Niyonsaba a battu hier encore mondial sur la distance de 2000 mètres au meeting de Zagreb. Évariste Ndayishimiye, le numéro 1 burundais, la félicite en son nom propre et au nom de tous les Burundais vous l'entendrez dans cette édition. Et toute personne qui ne respectait pas les mesures barrières contre la Covid-19 et ceux qui n'ont pas respecté la mesure de démolition volontaire en mairie de Bujumbura, des maisons construites anarchiquement, sera obligé de payer une amende qui n'est pas inférieure à 100 000 francs bourg. Vous entendrez le maire de la ville de Bujumbura dans cette édition et l'actualité internationale et politique est aussi au rendez-vous. Bienvenue. Bonjour encore politique pour débuter cette édition. L'honorable Denise Ndadaye, native de la province Moire, a été élu premier vice-président du Sénat burundais en remplaçant l'honorable Space Kaita Sindjibali Kanouye. Cette dernière a, à son alimentation, été attrapée en flagrant délit en train de vendre du sucre de sauce moi à un prix exorbitant. Le parti d'origine d'honorable Ndjibali Kanouye, CNDD FDD, salue cette mesure constituant à limoger l'honorable Space Caritas Ndjibali Kanouye et une amende qui va au-delà de 100 000 francs bourg sera infligée à toute personne qui ne respectait pas les mesures barrières contre la Covid-19. Cela a été dit par le maire de la ville de Bujumbura à l'endroit des administratifs de cette capitale économique, Bujumbura. Jimmy Atungiman, le maire de la ville de Bujumbura, fait savoir que même ses administratifs seront pris par cette mesure au cas où il outrepasse cette mesure. Jimmy Atungiman. Maintenant que nous venons de remarquer que plusieurs personnes sont en train de faire la sourde oreille, nous devons aussi appliquer la mesure d'infliger des amendes pour qu'ils comprennent que finalement la communauté, c'est une communauté qu'il faut protéger. Les gens, il faut les protéger et tout le monde, nous devons nous protéger. Donc, si vous ne voulez pas suivre les mesures barrières et que vous êtes appréhendé en train de déambuler dans la communauté, en train de ne pas respecter les mesures telles que le ministère en charge de la santé nous donne, on doit vous infliger une amende allant de 100 000 francs. Parce que nous voulons vivre dans une communauté saine, une communauté sans maladie, et aussi ils sont pris pour récalcitrants qui ne veulent pas respecter cette mesure, et aussi ils seront victimes de cette amende. C'était Jimmy Atungiman, le maire de la ville de Bujumbura, et toujours une amende qui va au-delà de 100 000 sera taxée aux gens qui n'ont pas respecté la mesure de démolition volontaire des infrastructures construites anarchiquement. Lors de cette réunion organisée ce mardi par le maire de la ville de Bujumbura, l'intention des administratifs, Jimmy Atungiman précise également que ces gens vont aussi payer les moyens qui seront utilisés par le gouvernement pour la démolition. Jimmy Atungiman. Pour ces récalcitrants qui n'ont pas obéi à cette mesure, nous devons leur infliger une amende allant de 100 000 au-delà. Cette amende, d'abord, on l'inflige à tout le monde qui n'a pas respecté cette mesure. Et deuxièmement, nous devons nous-mêmes aller à faire ces travaux avec nos moyens et nous devons présenter la facture ou le reçu des travaux à celui-là qui n'a pas respecté les travaux dont il était question. Alors, c'est bien dommage que beaucoup de gens sont victimes parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre l'activité ou le bon sens de cette activité. Les travaux de démolition sont de plusieurs manières. Il y a des démolitions simples, il y a d'autres qui sont complexes. Celles qui sont complexes, qui demande suffisamment de moyens, qui demande suffisamment de la force, c'est à ce moment que leur infligé est une amende qui va au-delà de 100 000. C'était Jimmy Hatungimana, le maire de Bujumbura. Et la date limite de démolition des constructions à Nancy qui était fixée au 31 août dernier par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Le président de la République Évariste Ndayishimiye a libéré 10 convalescences, dont 7 au centre neuropsychiatrique de Kamenge, CNPK, et 3 de l'hôpital Prince Régent Charles, incapables de payer leurs factures totalisant plus de 9 millions de francs burundais. Cet argent avait été retenu des salaires des fonctionnaires sanctionnés par une mise à pied de 15 jours. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques, Olicom, apprécie positivement ce geste du président de la République du Burundi. Pour Gabriel Rufyiri, le président de l'Olicom, l'essentiel est que la loi soit respectée en sanctionnant ces fonctionnaires qui n'ont pas bien exercé leur travail. Suivi à ce propos, Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom. Remercie le président d'avoir posé cet acte. Mais ce que l'Olicom doit dire, si ici on parle de la provenance de 9 millions, c'est-à-dire le retrait sur des personnalités politiques qui n'ont pas pu exercer correctement leur travail, pour l'Olicom, nous pensons qu'il y a un message derrière, c'est de le redire et de dire à tous les fonctionnaires et mandataires publics, si demain vous allez faire des fautes professionnelles, même si vous êtes mandataire, sachez que votre salaire va vous échapper. Donc pour nous, l'action en soi, c'est bien, mais il reste du côté de la loi. Est-ce que la loi prévoit cela? Si la loi prévoit cela, c'est une bonne chose, mais si la loi ne prévoit pas cela, sachez que ça va être un problème parce que les gens pourraient dire que c'est l'usage de la force qui aurait été utilisé, mais je ne crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est le message qui est derrière l'acte qui a été posé. C'était Gabriel Rufyiri, président l'Olicom et actualité sportive. À présent, nouveau record mondial sur 2000 mètres. Francine Niyonsaba, l'athlète burundaise, a battu hier le record du monde 2000 mètres faisant un chrono de 5 minutes 21 secondes 56 tierces. C'était lors du meeting de Zagreb. Elle améliore de plus de 2 secondes le chrono réussi en 2017 par l'Éthiopienne Genzeb Diababa sur cette distance, dont 5 minutes 23 secondes 75. Même si le 2000 mètres n'est pas une épreuve disputée durant les grands championnats, à 28 ans, Niyonsaba s'installe plus que jamais avec cet exploit comme une valeur sûre de demi-fond. Depuis sa conversion sur les distances longues, la médaillée d'argent du 800 mètres aux Jeux Olympiques en Rio en 2016 enchaîne en effet les coups d'éclat. Cinquième du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle est devenue le 28 août à Paris cinquième performeuse de l'histoire sur 3 000 mètres. Avant de dominer à 2 reprises sur 5000 mètres à Bruxelles et à Zurich, sur son compte Twitter, Évariste Ndayishimiye a félicité hier Francine Niyonsaba au nom de tous les Burundais et en son nom propre, ajoute-t-il, Ndayishimiye, le numéro 1 Burundais, souhaite la bénédiction de Dieu à Niyonsaba et l'excellence encore. Après une courte pause, l'actualité continue. Direction province Moire, certains habitants de la zone Makamba de la commune Husaka de la province Moire disent ne pas comprendre encore l'utilité et l'importance de la carte nationale d'identité. Certains d'entre eux arrivent même à se prêter des cartes d'identité en contractant des dettes. Ces derniers demandent aux autorités habilitées de sanctionner les auteurs de ce comportement qui les qualifie de spéculateurs. Ephraim Chiza. Ces agriculteurs de la zone Makamba, commune Rusaka de la province Moaro, disent qu'ils font face aux difficultés d'avoir du fumier suite aux gens qui viennent leur emprunter de carte nationale d'identité pour ainsi demander du fumier à crédit via ces cartes d'identité qui ne leur appartiennent pas. Et le propriétaire de la carte d'identité se retrouve endetté alors qu'il n'a pas encore pris du fumier, ce qui entraîne qu'il croupisse toujours dans la misère dans leur vie quotidienne. Nous avons des problèmes car nous travaillons, mais nous n'avons pas du fumier. Le fumier qui était destiné à nous est récupéré par certains d'autres car nous sommes endettés suite aux personnes qui sont venues nous emprunter des cartes nationales d'identité. Et on dit toujours de pays. Ces agriculteurs de Makamba demandent au gouvernement de chercher et punir sérieusement ces voleurs qui le font via les cartes nationales d'identité afin que chacun paie son dû. Il serait nécessaire d'appeler ces voleurs afin qu'ils soient interrogés à propos de ces vols. C'est très choquant de travailler, mais sans rien gagner. Ils doivent tout faire pour que la dette soit remboursée par celui qui l'a contracté. Cela étant, au moment où il se remarque des fois des cartes nationales d'identité qui sont éparpillées dans les rues sans propriétaire. Merci Ephraim Metiza, mais que dit la loi burundaise à propos de cela? Les personnes qui se prêtent leur carte d'identité ne savent pas l'importance de cette dernière. C'est du moins ce qu'indique Maître David Idoussabe après qu'il s'observe dans certains coins du pays des gens qui se prêtent de cartes d'identité. Maître David Idoussabe précise que cela est un délit puni par la loi. Maître David Edoussab. La carte nationale d'identité est un document officiel pour tout citoyen burundais qui a déjà atteint l'âge de 16 ans. Cette carte permet de prouver son identité, mais aussi sa nationalité. Pour dire que si au Burundi cette carte est obligatoire, je dirais que c'est très important que avant de donner la carte nationale d'identité à toute personne pour la première fois, il fallait donc l'informer d'abord l'importance et comment l'utiliser et comment la conserver. Je dirais que pour le cas des personnes qui échangent des cartes nationales d'identité, elles le font par ignorance, puisqu'ils ne savaient pas l'utilité et l'importance de ce document. Je suggérerais qu'il y ait des cartes biométriques, comme les permis de conduire, pour qu'il n'y ait pas de fraude des cartes nationales d'identité. Si vous voulez, c'est le premier document burundi qui doit donner l'identification de chaque Burundais, que ce soit à la banque, que ce soit au niveau de l'administration, à la police. Raison pour laquelle je conseillerais que le projet des cartes nationales d'identité biométriques devrait être mis en application pour éviter ce genre de fraude qui se manifeste d'ici et là. Maître David Doussabe, brève de l'éducation avant l'international, le ministre de l'éducation met en garde tous les responsables scolaires qui se méconduisent sur leur lieu de travail et qui seront sanctionnés conformément à la loi. Docteur François Abdaliman l'a dit ce lundi en marge de l'ouverture solennelle de la rentrée scolaire 2021-2022 à commune Bugendana de la province Gitega. Le ministre Abdaliman appelle également les enseignants à travailler en réseau scolaire. Après une courte pause. En international, Revoka Karimangingo, ancien lieutenant de l'armée rwandaise, a été tué par balle au Mozambique où il s'était réfugié après avoir été chassé de son pays en 1994, a indiqué mardi la police de Maputo, la capitale de Mozambique. 9 balles ont été tirées sur lui par des hommes armés non encore identifiés. Alors qu'il se rendait à son domicile, il a été transporté à l'hôpital, mais il n'a pas pu être sauvé comme nous le trouvons sur le site de l'AFP. La BBC rapporte que Revoka avait fait une déposition à la police faisant état d'un complot pour l'assassiner. 7h29, point final à cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à Dimi Blaise et Nidongiza qui étaient de l'autre côté vitré. Merci à toute la rédaction de la RSF. Bonécha FM. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboula. Bonne journée et bonne suite de programme.